ثم سيذهبنا إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. Donc il dit ensuite, elles vont aller à Riyad pour visiter notre oncle paternel, celui qui travaille là-bas dans l'un des bureaux de change. عم يقول أتعرف أحد من طلاب الهنود يذهب للهند في هذه العطلة؟ سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب للهند قريبا. Donc il dit, عم connais-tu un des Toulab, l'un des étudiants d'Inde? Et le Hunud, c'est le djem de Hindi. Le Hunud, c'est le djem. L'un des étudiants indiens qui va aller en Inde ces vacances-là. J'ai entendu que l'un des étudiants indiens qui s'appelle Khalid ça va aller en Inde prochainement. Non, ana a'rifuhu huwa sayadhhabu ila al-usbu' al-muqbil walakinahu la yan لن يرجع. Il dit oui, je le connais. أنا أعرفه. هو سيذهب في الأسبوع المقبل. Il va y aller la semaine prochaine. لكنه لن يرجع. Cependant, il ne reviendra pas. لن يرجع, tu vois, c'est encore حرف النصب واستقبال. Il ne reviendra pas. عم يقول ولما. Et pourquoi? لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفر؟ Il dit لأنه مريض. Car il est malade. C'est pourquoi il est allé à Il va rester en Inde pour se soigner, pour prendre des soins. Et Alifou Jafara, connais-tu Jafar? Am Yakul, Nam, Alifou, la Kinnaou min Pakistan. Il dit oui, je le connais, cependant il est du Pakistan. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. Donc il dit, Yumkinuhu, il lui est possible un yashtari adal kitab bin le Pakistan, min Pakistan. Il lui est possible d'acheter ce livre au Pakistan. Fene kutub al-ordiya mojulatun fil hind ou Pakistan. Car les livres en langue ordiya, en langue indienne, sont présents en Inde et au Pakistan. Am yakul, ashkuruka ya ayyub, jazakallahu khayra, sa'adzabu ilayhi al-an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, je te remercie, Ashkuruk, Shaka Ashkuru, c'est remercié. Je te remercie, Ayoub, qu'Allah te récompense. Je vais aller vers lui, ou je vais aller, je vais aller le voir, on dirait comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, fi amanillah. Naam. Et là, il y a normalement, il aurait dû dire, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Ayoub? Il aurait dû dire, wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah min. Dans la protection d'Allah ou. Parce que là, si tu en salam ou tu le rends pareil ou tu le rends plus que lui. Comme le Ta'ala Allah, fille sur la Tunisie. Wa alaikum salam. Pas même. Donc, les questions 1 et 2, Inch'Allah, seront pour demain. Exercice. Les questions du 1 et celles du 2 seront pour demain. Hein? Celle-ci? Ah ouais, et celle d'en dessous. Les deux, les deux exercices en fait, c'est pas les deux questions. Ouais, non, les questions des exercices. Tayeb. Donc là, comme je te l'ai dit, ce ders, il est avec l'en. Tayeb, l'en, qui est harf, nazb, ou anafi, ou stikbel, qui est une particule de négation, qui est dans, parmi les le nazb, et qui est pour le futur. Tayeb, qui apporte une négation pour le futur. Donc par exemple, tu dis je ne vais pas faire ça, l'en afala hada. Et le verbe qui vient derrière, le verbe qui vient derrière l'en, il est mansoub. Et on a déjà appris les signes de nasb. Donc il dit salisan, ajib an asilatil atiya bin nafi musta'milan l'en. Donc répond question suivante, Tayeb, par une négation en utilisant l'en. Al-awwal, atadhabu li baladika fi rutlati as-sayf. Vas-tu aller dans ton pays lors des vacances d'été? لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. Non. Donc je n'irai pas à mon pays lors des vacances d'été. ثانياً، أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ Est-ce que vous allez aller au terrain de jeu cet après-midi, oh les frères؟ لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. Non. Nous n'irons pas au terrain de jeu cet après-midi. أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي؟ Est-ce que tes camarades vont aller au musée demain, au Ali? لن يذهب زملائي إلى المتحف غدا. رابعا أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان؟ Allez-vous jouer ou jouez-vous au football cet après-midi ou les frères? لن نلعب كرة القدم هذا المساء. نعم, nous ne jouerons pas au football cet après-midi. خامسا أيرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ؟ Est-ce que le directeur revient de Jeddah demain au professeur? Non, il ne reviendra pas de Jeddah demain. Rabian, donc ça c'est compris, Len. Il dit Ta'amel adawat el nafi el atiya. Donc il dit médite sur les outils, c'est un peu. C'est pas. À la base, on dit adawat outil, mais là, dans le contexte de littéraire, là, on ne peut pas dire outil. On va dire les formules de négation, vous voyez, qui sont présentes. Awelen, il te dit Adhabu il est souki ams. Oh, Zahabtu afon il est souki ams. J'ai été au marché hier. Donc, ça, c'est au mardi. Donc, comment on fait une négation au mardi? Ma Zahabtu il est souki ams. Je n'ai pas été au souk hier. Alors, on met ma. Ensuite, il dit Azhabu il est souki kulla yomin. Donc il dit je vais au marché tous les jours. Là c'est Moudaria. Il dit quoi? La Azhabu il est souki kulla yomin. Je ne vais pas au souk tous les jours. Et on a dit aussi qu'on peut employer ma Moudaria. Et tu connais la différence entre le ma et la? Ma afhal ou la afhal? Non. Là c'est continuel et ma c'est occasionnel. Non. Et là, le futur, ça adhabu le souki raden. Je vais aller au marché demain. Donc la négation, c'est len adhaba et le souki raden. Je n'irai pas au souk demain. Donc tu emploies len. Et contrairement à ce que l'on entend souvent ici, qu'est-ce qu'on entend ici souvent? Comment les gens ils font une négation de futur ici? T'entends pas comment ils parlent les gens? Non. Ils vont dire ma sa afael. Ils vont te mettre ma nafi, après ils vont te mettre ça. Et ça, c'est pas correct. Aïe, ouais. Il ne va pas dire l'an afala, il va dire ma sa afalou. Je peux remarquer. Ah bon? Mm. Yes, Allah. Ils disent, bah, ouvre bien tes oreilles, tu vas entendre des sous ça. Tu vas rarement entendre quelqu'un dire l'an. Avoir quelqu'un qui fait attention, qui pense dire. Si on dit tous ma sa afal, ma sa afal, tu vas pas comprendre. Ma sa dhab, tu vas pas aller. Tu vois, et ça, c'est faux. C'est pas correct d'employer. Les Arabes, ils parlaient pas comme ça. Donc, toi, si tu veux faire une négation au futur, tu emploies l'an. Ça y est? Non. طيب يدي خامسا اقرا الأمثلة الآتية لي الاكزامبل سويفون تفضل لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف في عطلة الصيف هذا العام نعم دونك يدي je n'irai pas dans mon village dans les vacances d'été cette année اني متعب جدا فلن اخرج من البيت اليوم je suis très fatigué متعب c'est fatigué. Je suis très fatigué, donc je ne sortirai pas de la maison aujourd'hui. Ça, Alifan. Il dit, je ne laisserai pas la salat, jamais. Donc là, quand tu mets abadan après une négation, on a dit que ça veut dire quoi? Abadan, ça veut dire jamais. Mais si tu le mets après une affirmation, ça veut dire quoi? Le contraire, toujours. Alors, si tu dis, ça au sol, dit abadan, je ferai la salat toujours. Et l'an, abadan, je ne laisserai jamais la salat. Nam. Rabian. قال المدرس لن اسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. Il dit je ne vous permettrai plus de rentrer après le début du cours dans le futur. لن احلق لحيتي ابدا. Je ne raserai pas ma barbe jamais. Et ça, pareil, c'est pas trop appliqué là-bas. لن يرجع أبي من مكة قبل رمضان. Il dit, mon père ne reviendra pas de Mecca avant Ramadan. لن نشرب الخمر أبدا. Nous ne boirons pas d'alcool jamais. Nous ne boirons jamais d'alcool plutôt. Inch'Allah. Ça vient de dire Inch'Allah derrière chaque phrase. Je vous dis Inch'Allah. Tiens, là, nous t'en fais que là, si elle arrive, tu vas boire. ثامنا قال اليهود لموسى عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد كما جاء في سورة البقرة نعم donc les juifs disent à Moussa عليه السلام plutôt les Banu Israël les fils d'Israël O Moussa, dans le sens relatif et rapproché, O Moussa, nous ne passerons pas sur une seule nourriture. Comme cela est venu dans Surat Baqara. Ta'asi'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة رواه البخاري. Donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit celui qui porte de la soie dans cette dunya il n'en portera pas dans l'autre monde dans l'akhira rapporté par le Bukhari. Naam. Et là aussi tu vois l'an c'est l'une des lettres par lesquelles c'est l'un des harf par lesquels les mutadiyah sont rentrés. Tayyib. Pour faire croire qu'en fait l'an يعني يفيد ال يعني الاستمرار في jamais quoi en fait tu vois quand tu dis لن أفعل هذا si je ne ferai pas ça tu vois mais jamais par exemple eux ils disent que quoi tu ne verras pas Allah سبحانه وتعالى le jour de la قيامة pour eux ils veulent faire croire ça tu vois comme un fikul ta'ala L'entarani, lorsque Allah a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Tu vois ? Ils ont voulu faire croire qu'on ne verra jamais Allah, même dans l'autre monde. Tu vois ? Et en fait, l'entarani, c'est que tu ne verras pas dans ce bas monde. Amt ? Mais il y a des hadiths qui prouvent qu'Allah, on le verra, voyez, après la mort. Deux fois. Deux fois, on le verra. Enfin, on le verra. Quand je dis on, je parle des mu'min, tu vois ? Inch'Allah, kanakuna minhum. Et Allah sera vu deux fois par les croyants, Yom al-Qiyam. Et d'ailleurs, c'est la plus grande chose qu'Allah puisse accorder à son serviteur comme récompense, c'est sa vision, qu'il le voit. Nasallallahu yajala minhum. Tayyib. Al-Sadisan, il dit Atril l'en ala al-afal atiya wazbit awakhilaha. Donc, rentre l'en dans les verbes suivants et toi, tu mets la phrase, la fin qui correspond avec les harakat. Tayyib. Yakhrujou. لن يخرج نعم تكتبين لن تكتبي نعم منصوب ونلغي النون يشربون لن يشربوا نعم ils ne boiront pas on enlève le nun pareil يغسلن اللف لن يغسلن نعم les bienvenus donc change pas ادخلوا لن ادخل نعم تفتحنا vous ouvrez ça y est en fait c'est vous ouvrez vous les femmes comme il y a une omniso, elle est bémni, donc on ne change pas la fin. Ta'koulina, tu manges à une femme. Lan ta'kouli. Nam, on enlève le nun. Tajlis. Lan tajlisa. Nam. Ahsan. Tayyib, kelimat al-jadida. Il y a asif, qui veut dire quoi? Désolé. Tayyib, ana asif, je suis désolé, je suis navré. Hindi yun, jam hunud. Hindi, c'est un indien. Un indien des Indes. Et Hunul, c'est le jam, c'est le pluriel. Mut'aboun, c'est être fatigué. Al-akhira, ma'louf. C'est l'axe de la dunya, c'est l'au-delà, après la mort. Ahadun, ça veut dire un. Tu vois, ça dépend de la phrase. Si tu dis ma, dis ahad, c'est personne n'est venu. Tu vois, c'est un truc indéfini en fait, pour une personne. Ça dépend de la phrase. Si je te dis Ara'aita ahadan, est-ce que tu as vu quelqu'un? Sabara yasbiru, ça c'est patienter. Omra, c'est la Omra, ma'alouf. Ce qu'ils appellent le petit pèlerinage d'après eux. Sifaratun, ça c'est l'ambassade. Sifara, c'est l'ambassade. Et l'ambassadeur, c'est Es-Safir, on dit comme ça. Khamrun, Djem, Khumur. Kham, c'est l'alcool. Jam, c'est khumour. L'alcool, c'est un mot féminin en fait en arabe. Tayyib. C'est un mot féminin en arabe. Harirun, c'est la soie. Harir, c'est la soie. Mustakbarun, c'est le futur. Abadan, comme je l'ai dit, ça dépend de la phrase. C'est une phrase négative, ça veut dire jamais. Et c'est une phrase affirmative, ça veut dire toujours. Tarak yatruku, ça c'est laisser. Atruku haza, laisse ça. Tayyib. Laisser ou délaisser. Par exemple, celui qui fait la salat, comme on l'appelle, tariku salat. Tayyib, ça vient de taraka, c'est l'isme fa'il, ala wuz fa'il, comme ça va venir dans le kitab, celui qui délaisse la salat. Amun jam a'wam, ça veut dire sana, c'est une année. Am, c'est une, là, ça veut dire une année. Mawjoud, c'est une chose qui est présente. Tayyib, c'est être présent. Ad-dunya, c'est marloussé, ce bas monde.

وكم سورة حفظتي أو حفظت يا عمر؟ Combien de sourates as-tu mémorisé, ô Omar? Ana hafiztu sourataini. Aïwa. Et dis-moi, j'ai appris deux sourates. Donc regarde, là il a dit hafiztu sourataini. Donc là c'est Moussanna. Et les mansoub. Pourquoi les mansoub là? C'est un quoi là? Les mansoub. Aïwa, les mada. C'est quoi son irlob? Son irlob? Mafoulumbi. Mafoulumbi, nam. Tu vois? Donc normalement, l'autre malfou, sourataini. Là les mansoub, donc tu dis sourataini. Donc j'ai mémorisé deux sourates. تفضل اقرا معاوية يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان أحدهما للفقه والآخر للحديث donc معاوية dit يا أبتي oh mon cher père comme on a dit أبتي c'est une formule affectueuse pour appeler son père tu peux dire يا أبي يا أبتا يا أبا يا أبتي Il dit « Jaelio Mudarisan Jadidani ». Donc il dit « Aujourd'hui sont venus deux nouveaux enseignants ». Donc regarde « Mudarisani » là il est marfoua. Pourquoi ? Il est quoi dans la phrase ? Il est fa'il, nam. Et « Jadidani » le na'at. « Ahaduhuma lil fiqh ». Donc il dit « L'un des deux est pour le fiqh ». Vous voyez la jurisprudence. « Wal akhar lil hadith » et l'autre pour le hadith, la science du hadith. Nam. Bachir, handak. أنا الأب فقط. يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. نعم. Donc il dit, oh cher père, j'ai lu aujourd'hui deux paroles, deux nouvelles paroles dans ce livre. Ou peut-être là il veut dire mot. Ah ouais mot. Parce qu'en fait kalima, on peut l'employer pour un mot tout seul. On peut l'employer aussi pour une muhadara entière, un truc entier, tu vois. Donc il dit, j'ai lu aujourd'hui deux nouveaux mots dans ce livre. Elle a bien cool. Ma huma. Et que sont-ils ces deux mots? Et huma, c'est un mot facile. Nouveau musanna. Nous, c'est que ce n'est pas dans notre langue. Donc on va dire. Et que sont-ils? C'est-à-dire ces deux mots. Huma al-mushtu wal-mikhaddatu. Donc il dit ces deux mots sont. Al-musht wal-mikhadda. Donc le musht, c'est le peigne. Le mikhadda, j'ai oublié. C'est quoi le mikhadda? Coussin. C'est wissada? Non, c'est wissada. Attends, regarde dans le dictionnaire. Si, je crois que c'est coussin. On vérifie. Toyeb. Donc c'est bien coussin. Je sais quelle heure. Elle a bien cool. عرفت عرفت اي عرفت معناهما connais-tu leur sens عرف يعرف سي مضارع كاين فتحه من كثره نعم سالت المدرس فشرح لي معناهما قلت لي وي j'ai demandé j'ai interrogé les professeurs et m'expliquer leur sens الاب يقول Anal en azabou les souk. Je vais maintenant au marché. Et ouridou na shay'a. Voulez-vous quelque chose? Ouridou daftara. Donc Omar a dit je veux un cahier. Mouawiya yakoul. Faddal. Nam. Indi daftarani. Wa ouridou daftaraini. Akharaini. Nam. Donc il dit j'ai deux cahiers et je voudrais deux autres cahiers. Donc là, indi daftarani. Daftarani les marfou. C'est quoi son... Il est quoi là dans la phrase? Quoi? Daftarani. Daftarani. Indi daftarani. Indi daftarani. C'est à quoi? Ouais. Malfoua. C'est un mutada. Mutada mouakhar. Ça. Ou indi, khabar mukaddam. Nam. Parce que c'est daftarani, indi. Nam. Ou aouridou daftarani akharain. Daftarani, là, c'est mafoul bihi. Donc les mansoub. Ou aramat nos bihi. Alia. Donc là, on a mis lia comme signe de nos. Et akharain. C'est un art. Donc il le suit dans l'Irlob. Bachir, est-ce qu'il y a quoi Bachir? Non. Donc Bachir dit, j'ai deux petits classeurs, je voudrais deux grands-classeurs. Donc là, dans le premier, Milafani, il est marfou, avec le alif. Et Ouridou Milafaini, là, il est mansoub, avec le ya. الأب يقول من أين لك هذا الكلام الجميل ذو لونين يا بشير. Donc il dit d'où as-tu trouvé, on va dire comme ça, trouvé, même si le verbe il n'y est pas, mais la phrase ça dirait comme ça. Ou d'où te viens-tu ce beau stylo qui a deux couleurs, au Bachir. Donc là, zou, nous on ne peut pas le traduire zou. Donc on va dire ce stylo qui a deux couleurs. Possédant deux couleurs. Ouais, possédant deux couleurs. Et le onein là, il est mudaf ilayhi, donc il est majrour. Et le signe de son jar, c'est le ya. Naam, Bachir. Naam, ishtaraitu. Naam, il dit je l'ai acheté. El abiyakul, bikam ishtaraitahu, combien l'as-tu acheté? Donc quand tu veux acheter un truc, tu dis bi, harf jar, et kam après derrière. Bikam hada, c'est combien ça en fait? Naam. Bachir, ashakul. Ishtaraitu bi riyalain. Naam, donc il dit je l'ai acheté pour deux riyal. Et là, riyalain, il est majrour à cause du bi, et aramatu jarrihi, el ya. Tayeb, tamarin. On peut même les faire direct là, ils sont simples, la question du texte. Il dit agir une asilatil atiya. Répond aux questions suivantes. Kam suratan hafiza Bashir. Donc Bashir a mémorisé combien de surat? Hafiza Bashir suratan wahidatan. Naam. Thaniyan kam suratan hafiza Omar. Donc combien de surat a mémorisé Omar? Hafiza Omar suratayni. Naam, Omar a mémorisé deux surat. Bikam shtara Bashir el qalam. Pour combien Bachir a-t-il acheté le stylo? Ishtara Bachir al-Qalama Biryalaini. Naam. Tayeb. Donc il dit, maintenant il va expliquer ce qu'on a dit précédemment. Yani, les signes d'Irab dans le Moussanna. Il dit Ta'amel Mayali. Mais dites ce qui suit. Donc il vient que les trois catégories pour le ism, qui sont le Marfour, Minarof, la mansoub du nord, et le majuro du jar. Et l'ul jazm. Et l'ul jazm. Je suis pas en train de suivre, excuse-moi. Il dit là, il a donné trois catégories pour l'ism. Le ism musanna. Taïeb. El marfour, qui vient du raf. Le mansoub qui vient du nosb. El majuro qui vient du jar. Et l'ul jazm. Il a oublié. Le jazm. Non, il est. Il est dédié que pour Moudari. Hein? Il est que pour quoi? Il est dédié que pour Moudari. Et ça c'est mardi ou c'est... J'ai un Moudari sur et tout. Ben non, ça c'est mardi ça. Donc t'as pas Meyiz. T'as pas distingué. Comment ça je suis pas distingué? Là il veut quoi? Il veut les Asma. Il veut pas les Afal. Et il n'y a pas de jazz dans les Afal. Ah, dans par rapport, tu parles des Asma. Non. Là c'est pas Asma. Ism Sanna. Là, il veut que tu comprennes Ismoufanna. Non, il n'y a pas de. Ismoufrad Avolen pour l'exemple, et ensuite on avait pas tort. Pour le verbe, il était. C'est que pour Moudari. Al-Jazm. L'Al-Jazm, il peut aussi rentrer dans le. Il peut être Mahal. Mahal Jazm. Bah, donne-moi l'exemple. Injita, Jito. Si tu viens, je viens. Ah, ça fait. Injita, le même lit, fait Mahal Jazm. Par In. Quand même. طيب ونرجع للموضوع يدي مثلا ان اكزامبل دو مرفوع جاء المدرس دونك المدرس طيب اللي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه دونك سي ان فاعل سي ان سوجي اللي مرفوع لو سين دو سون رفع سي كوا لا ضمه اك المثنى كما تقول جاء المدرسان دونك لا pareil اللي مرفوع اللي فاعل وعلامه رفعه الالف. Donc là, il est marfou, et le signe de son raf, c'est le alif. Maintenant, le mansoub. Ra'aytu mudarrisa. J'ai vu le professeur. Donc là, le mudarrisa, il est quoi? Maful bihi. Mansoub. Taïb. Wa alamatu nasbihi al-fatha. Donc là, c'est maful bihi. Il est mansoub. Et le signe de son nasb, c'est la fatha. Donc avec le musanna, tu dis quoi? Ra'aytu al-mudarrisaini. J'ai vu les deux enseignants. Donc là, il est quoi maful bihi pareil? Mansoub ou aramatu nasbihi el ya. Le signe de son nasb, c'est le ya. Et le majrour, avec le jar, zahabtu, il est le mudarrisi. J'ai été vers le professeur. Donc mudarris, c'est le majrour, aramatu jarrihi, el kasra. le signe de son jar, c'est la kasra. Et pour le musanna, tu dis quoi? Zahabtu ilal mudarrisayni. J'ai été vers les deux professeurs. Et le signe de son jar, c'est quoi? Al-ya. Tayeb, ça c'est ma forme. Il dit yajib an asilati al-atiya mustamilan al-musanna. Donc réponds à la question suivante en utilisant le musanna. تفضل جو سؤال الاول كم اخنك combien tu de frères لي اخاني c'est quoi le musanna de akh t'es tombé dedans اخون musanna le musanna de akh اخواني اخواني attention et ab c'est pareil abawani tu dis pas akhani ou abani tu dis akhawani ou abawani نعم donc كم اخنك tu dis لي اخواني نعم لي اخواني et là اخواني le mansoum ou le majrour ou le marfou li akhawani il est quoi là il est marfou نعم c'est un mubtada mouakhar ahsant thaniyan كم كتابا عندك عندي كتاباني نعم donc l'appareil كتاباني le marfou il est mubtada mouakhar ثالثا كم طالبا جديدا جاء اليوم combien de nouveaux étudiants sont venus aujourd'hui eux te le mettent au singulier mais en français on ne peut pas le faire. On va mettre on est obligé de le mettre au pluriel. J'ai l'yoma talibani jadidani. Non, donc aujourd'hui sont venus deux nouveaux étudiants. Et là, talibani il marfou, pourquoi est-ce qu'il est fa'il. Rabi'an, kam darsan baqiya fi al-kitab. Combien reste-t-il de cours dans le livre? Baqiya fi al-kitab darsani. Non, il reste dans le livre deux dars. Donc là, darsan il est fa'il de baqiya. C'est le sujet de baqiya donc il est marfou. خامسا كم طالبا خرج من الفصل combien d'étudiants sont sortis de la classe خرج من الفصل طالبان نعم donc là طالبان sont sortis de la classe deux étudiants et طالبان il est quoi il est marfou parce qu'il est فاعل de خرج سادسا كم رجلان مات في الحادث donc combien d'hommes sont morts dans l'accident حادث c'est accident مات في الحادث رجلان نعم donc deux hommes sont morts dans l'accident et رجلان il est marfou parce qu'il est فاعل de مات تمام. رابعا اجيب الرسائل الاتيه مستعملا المثنى دونك باري tu dois répondre aux questions suivantes avec le مثنى sauf que là ça peut être مرفوع attention طيب اولا كم لغه تعرف combien de langues connais-tu اعرف لغتين نعم je connais deux langues les منصوب مفعول به ثانيا كم سوره حفظت او حفظتي يا مريم combien de sourates as-tu mémorisé au مريم حفظتُ سورتين. نعم. donc là aussi les mansoub مفعول به. j'ai appris deux sourates. ثالثاً كم رسالة كتبت يا أحمد؟ combien de lettres as-tu écrit au Ahmed؟ كتبتُ رسالتين. نعم. j'ai écrit deux lettres. مفعول به pareil. ثالثاً ورابعاً كم حية قتلت يا عمي؟ donc combien de serpents as-tu tué au mon oncle؟ قتلتُ حيتين. نعم. j'ai tué deux serpents. Ma faute lui, pareil. Khamisan, كم دفتران اشتريت يا أخي؟ combien de cahiers as-tu acheté au mon frère? اشتريت دفترين. نعم, j'ai acheté deux cahiers. Ma faute lui. Sadisan, كم سؤالين سألك المدرس؟ combien de questions t'a posé le professeur? سألني المدرس سؤالين. نعم, le professeur m'a posé deux questions. سابعاً كم طائرة رأيت في المطار؟ combien d'avions as-tu vu dans l'aéroport؟ رأيت في المطار طائرتين. نعم j'ai vu à l'aéroport deux avions. ما فول به المنصوب. ثامناً كم منديل غسلت أختك؟ combien de mouchoirs ta sœur a-t-elle lavé؟ غسلت أختي منديلين. نعم ma sœur a lavé deux mouchoirs. تاسعاً كم مشتن تريد؟ combien de peignes veux-tu؟ أريد مشتين. je veux deux peignes. je crois que tu peux dire aussi مشت avec une كثرة. عاشراً كم مخدتان على سريرك؟ combien d'oreillers sur ton lit؟ على سريري مخدتين. مخدتان ايوه مبتدا مؤخر طيب مفهوم هذا عندك خامسا اجيب عن الاسئله الاتيه مستعملا المثنى دونك لا باري tu dois répondre aux questions suivantes en employant le duel le مثنى اولا بكم ريالا اشتريت هذه المجلة يا آمنة أو اشتريت عفوا اشتريت اشتريتي اشتريتي بكم ريالا اشتريتي هذه المجلة يا آمنة. Donc pour combien de riyal as-tu acheté ce magazine au Amina? Non. Donc là il veut quoi? Il veut jar maintenant. Donc j'ai acheté ce magazine pour 2 riyal. Là il est majrour par bi. Donc pareil, son alamat jarri el ya. Le signe de son jar c'est le ya. Thanien, bikam duraran shtaraytum adihi ou adihi el azrar ya akhawan. اشترينا هذه الأزرار بدولارين. Enfin, on n'a pas traduit. Pour combien de dollars avez-vous acheté ces boutons, oh mes frères? C'est jam de zir. Azrar, c'est jam de zir, ces boutons. Boutons de vêtements. Nam. Nous avons acheté ces boutons pour 2 dollars. Thalithan. Bikem rubiyatan ishtaraytunna hadha al-mushtu ya akhawati. Donc, pour combien de riyal avez-vous acheté ce peigne aux mes sœurs? Nous avons acheté ce moucht pour 2 roupies. Rabi'an, bikam junayhan ishtaraytu ou ishtarayti adim mir'ata ya ummi. Donc pour combien de junay as-tu acheté ce miroir au ummi, ma mère? Junay, c'est la monnaie quoi? C'est la monnaie anglaise à la base. Et aussi en Égypte, elle est employée. Le pound, comme ils disent. Sauf qu'ils disent Guinée. Mm-hmm. Voilà. Fimus, ils vont dire Guinée, ils vont pas dire Junay. Mm-hmm. Non, donc j'ai acheté ce miroir pour 2 Junay. Khamisan, bikem louraten katabta al-unwana ala zarf ya Ali. Donc, par combien de langues as-tu écrit l'adresse sur l'enveloppe au Ali? Non, donc je l'ai écrit par 2 langues. En 2 langues. Sadisan, min tiam baben kharajatullabu min el kulliya. Par combien de portes ou de combien de portes sont sortis les élèves de la section ou de la faculté? نعم خرج الطلاب من الكلية من بابين. نعم. Les élèves sortis de la faculté de par deux portes ou depuis deux portes. سابعاً إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد؟ As-tu à combien de pharmacies as-tu été au Hamid؟ يعني ذهبت إلى صيدليتين. نعم j'ai été à 2 pharmacies. ثامناً في كم صفيحة قرأت هذا الخبر؟ Dans combien de journaux as-tu lu cette information؟ يعني قرأت هذا الخبر في صحيفتين. نعم j'ai lu cette information dans 2 journaux. بكم جامعة درست؟ Dans combien d'universités as-tu étudié؟ درست بجامعتين. نعم j'ai étudié dans 2 universités. كم جامعة في بلدكم؟ Combien d'universités dans votre pays؟ في بلدنا جامعتان. نعم. C'est un pied ou quoi? Hein? Ouais. Faut voir si t'es attentif. Tamam. Comme il l'a fait dans notre exercice pareil. Il a fait la même chose. Il te dit quoi? Quand tu emploies bikem, riyalan, tu peux mettre riyal, tamiz, mansoub. Et t'as le droit aussi de le mettre majrour. Tu peux dire bikem riyalin. Kila huma sahih. Tous les deux sont authentiques, sont corrects. T'as-y-y-y, tu peux dire bikem riyalin ou bikem riyalan. Si tu dis riyalan, c'est qu'il est tamiz. Et si tu dis riyalin, c'est qu'il est majrour à cause du ba, qui est avant le kam. Donc il dit maintenant, fanni al-kalimati allati tahta khottun. Donc rend en duel, en musanna, les mots qui sont soulignés. Jumal oula, tfaddal. في بيتنا ثلاجتان. نعم. لذا دابور مفرد. في بيتنا ثلاجة. نعم. وفي بيتنا ثلاجتان. نعم. Notre maison il y a un réfrigérateur. Donc après c'est 2 réfrigérateurs. ثانيا. دخل الدكان البارحة. Donc hier soir

لهذه الحافلة بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج. Donc ce bus ou ce car a deux portes, l'une d'entre elles est pour l'entrée et l'autre pour la sortie. Mais nous pareillement comme le genre il change en français, on peut pas l'appeler. ثالثاً عندي قلمان أحدهما أزرق والآخر أحمر. Donc il dit j'ai deux stylos. L'un des deux est bleu et l'autre est rouge. عندك هذا؟ عندك. رابعا عندي معجمان احدهما انجليزي والاخر فرنسي. Donc il dit j'ai deux dictionnaires, l'un des deux est anglais et l'autre est français. خامسا لنا بيتان احدهما في المدينه والاخرى وهو الاخر عفوا في القريه. Donc il dit j'ai deux maisons. Nous avons deux maisons plutôt. L'une des deux est dans la ville et l'autre est dans le village. سادسا اشتريت قميصين احدهما لي والاخر لاخي الصغير. Donc il dit j'ai acheté deux camis, l'un des deux est pour moi et l'autre est pour mon frère, mon petit frère. Donc là c'est احدهما والاخر au masculin. Et maintenant il va faire quoi au féminin? Je te laisse toi lire et traduire. تفضل. انا نعم انا بيتاني لا انا تاسعا Neuf. Non. On a pris Ahaduhuma ou Al-Akhar, ça c'est le masculin. Maintenant on va prendre le féminin, c'est Ihdahuma ou Al-Ukhra. Tfaddal, tu lis et tu traduis. Ou tu tentes de traduire si tu n'y arrives pas, moi je t'adresse déjà. Normalement tu vas y arriver. Li Ukhtani, Ihdahuma, Mudarrisatun ou Al-Ukhra, Mumarrisatun. Non. Mani, j'ai deux sœurs. L'une d'entre elles est professeur et l'autre est médecin. Non. Moumaredo, c'est plutôt aide-soignante ou infirmière. Non. Indi siyaratani, ihdahuma hamra ou al-ukhra baydaou. Non. Yani, j'ai deux voitures. Une d'entre elles est rouge et l'autre est blanche. Non. Pi qariyatina. مدرستان إحداهما متوسطة والأخرى ثانوية. يعني dans mon village il y a deux écoles. Une parmi les deux c'est le on va dire quoi متوسطة. C'est le collège ou le lycée et l'autre c'est l'autre c'est le lycée. C'est le lycée hein. Le collège on va dire متوسطة. Une c'est le collège et l'autre c'est le lycée. نعم. كتبت اليوم رسالتين إحداهما لأبي والأخرى لصديقي. يعني j'ai écrit aujourd'hui deux messages. Hein? نعم. Deux lettres. Deux lettres. نعم. Une pour mon père. L'une des deux. Une des deux pour mon père. نعم. Et l'autre pour mon ami. نعم. خامسا. نعم جاءت مدرستان جديدتان إحداهما للسيرة والأخرى للتفسير. يعني il y a deux nouvelles enseignantes qui sont venues. نعم. Une d'entre elles est pour la biographie et l'autre est pour l'exégèse. نعم. تفسير نعم. تفسير. طيب مفهوم. Donc il dit المذكر c'est أحد. طيب والمؤنث سي إحدى كي هي أن وparmi les choses qui ramènent à un au sens un. طيب عاشرا يقول تأمل الأمثلة الآتية. Donc là maintenant il veut quoi? Il veut te faire comprendre avec كلمة ذو من الأسماء الخمسة. Que ذو il vient tout le temps en مضاف donc derrière lui مضاف إليه donc مجرور. Il te dit أولا هذا القلم ذو اللونين مفيد جدا. Donc ce stylo de deux couleurs est très profitable. Donc la ذو il va être quoi? C'est quoi ce mien là-bas ذو là? Mudaf. Mudaf ça c'est un ajout. C'est quoi son mien là-bas avant awalan? Awalan. Il est quoi d'abord avant d'être mudaf? هذا القلم ذو لون.

رجل تقول رجلان وتقول رجلين وهكذا مفهوم هذا وبهذا انتهينا ونقول الحمد لله رب العالمين